Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle. Ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, au hasard du jour, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I tease that life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dream, the splendid things I planned, I always built, alas, on weak and shifting sand. I live by night and shunned the naked light of day, and only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung, so many wayward pleasures in store for me, and so much pain. My dazzled eyes refused to see. I ran so fast at time, and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerned itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were wrong, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and bright. And every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seem somehow drift away. And only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday. When I was young, young, young. Gilbert is here, sur un meuble triste. Monsieur le prince, au quartier latin, dans un milieu de chanteurs et d'artistes, qui avait à passer par le lendemain. Des gens merveilleux, un peu grandistes, qui parlaient le russe. Puis l'Arménien. Si mon père était chanteur d'opérette, n'entend-il le voir de Jean-Mille encore. Ma mère tenait l'emploi de soubrette, leur coupe ne roulait pas sous l'or. Ma sœur et moi étions à la fête, blottis dans un coin, derrière un débat. Ces comédiens chargés de famille, mais dont le français était hésitant, devait accepter pour gagner une vie. Le premier emploi qui était vacant, conduire un taxi ou tirer l'aiguille, ça pouvait se faire avec un accent. Après le travail, les jours de semaine, les acteurs frustrés répétaient longtemps, pour le seul plaisir, un soir par quinzaine, s'offrir l'oubli des soucis d'argent. Crevé de trac en entrant en scène devant un public formé d'émigrants. Quand les fins de mois étaient difficiles, quand il faisait croire que le pain manquait, on allait souvent honteux et fébriles au monde piété où l'on engageait un vieux samovar, des choses futiles, objets du passé auquel on tenait. Même celui du sud de l'Italie, y a même Giorgio le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance c'est un peu le dernier cadeau. À la fin, à la fin. On avait chaud de baiser, on est vraiment ses oreillers, et elle va mourir là. Sainte Marie, pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr, lui tendait les bras en lui chantant Ave Maria. Et tant de mots, de souvenirs autour de toi. La mamma, il y a tant de larmes et de sourires. À travers toi, toi la mamma. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir. Boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que s'entassent pêle-mêle sous les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, ne se sent pas triste, près du grand lit de la maison. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir. Doucement les yeux fermés, je chante comme mon père son enfant. Après une bonne journée, pour qu'il sourit en s'endormant. Il y a tant de mots, tant de souvenirs autour de toi. Il y a tant de larmes et de sourires à travers toi. La la la. Jamais, depuis longtemps, mon cœur était à la retraite. Il ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris. Avant que d'y penser, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle. Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, l'amour s'est infiltré, s'est glissé sous ma peau. Avec tant d'insistance et avec tant de force que je n'ai plus depuis ni calme, ni repos. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Les heures près de toi fuient comme des secondes. Les journées loin de toi ressemblent à des années qui donnent à mon amour un goût de fin du monde. Elle trouble mon corps autant que ma pensée. Ah, Isabelle. Isabelle. Non. Isabelle, non. Isabelle. Isabelle. Ah. Oh, Isabelle. Isabelle, mon amour. Tu vis dans la lumière et moi dans les coins sombres. Car tu te meurs de vivre, je me meurs d'amour. Je me contenterai de caresser ton ombre si tu voulais m'offrir ton destin pour toujours. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that someone sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things, maybe the memory of the day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so bright but then so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from the shadows of the past, that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. I've got to be. The meaning of my life is she. Вечная любовь, верным были добрым и злом для памяти моей. Чем больше мне, глубже рана в ней. Все слова любви и смутнишь сердца, слились в одно предание без конца, как поцелуй. И все тянется давно. Я уйти не мог, прощаясь навсегда. И ведь Бог надеется, что когда увидит вновь эту мою любовь, и дам я клятву вновь. Вечная любовь, все сильнее бесконечна, и будь один сказал в ее дана, минуя мрак и туман, туман обман. Вечная любовь верным облие, но время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви, безумный крик сердец, слова тревог и слезы наконец, приют для всех. Уже пройти худе, зорко рассветет, и в сумраке ночном умрет, уйдет, но оживет потом, где все вернет. Блаженный летний зной, извечный летний зной. Вечная любовь, и пустого любить, до слепоти и до последних дней. Однажды жить любя, J'aime sentir sur les places, j'aime dans les rues où je passe, j'aime ce parfum de muguet de chasse. Le vent qui passe, il me plaît à me promener. Par les rues qui se profilent, à travers toute la ville, j'aime, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris moi à la mer. Lorsque le jour se lève, les rues sortant du rêve, après un sommeil très léger, coquettes se refont une beauté. J'aime, j'aime Paris. Je veux voir. Une flamme, une envie de prendre ton destin entre tes mains.